Chapitre 9e. Toutefois, contre toute attente, Séraphin Parle avait eu le cuir plus dur que ce qu'il croyait. Son temps fini, il était revenu un jour, en mauvais état certes, mais bien résolu à se venger. Dès lors, il s'était mis à pied le couple pour connaître ses habitudes, ses allées et venues, décidé cette fois à terminer sa carrière sur un coup de maître. Le matin de la mort de Garcin, il l'avait suivi de loin sur une bicyclette volée. Après avoir effrayé le cheval du futur député, il avait eu la joie de voir 16 ans de patience porter leurs fruits. Tout s'était passé comme il l'avait souhaité. Il se prit même à remercier le bon Dieu pour son œuvre de justice. Restait Hortense. Pour elle, Séraphin voulait de la souffrance, aussi douloureuse que celle qu'il avait endurée, emportant finalement toute la culpabilité de cette affaire. Au fond de lui, il était sûr que le cerveau de l'affaire était Hortense et non Garcin, qu'il pensait bien connaître. Séraphin croyait dur comme fer qu'elle avait dû se débarrasser de son père après son départ. Il ne pouvait en être autrement puisqu'il n'y avait personne d'autre. Et d'ailleurs, quand il était parti, Meffré était encore vivant, choqué, mais bien vivant. Si Garcin avait fait le coup, il n'aurait pas eu le temps matériel de retourner chez lui avant que Séraphin n'arrivât. Ce dernier était persuadé qu'Hortense avait profité des circonstances pour assassiner son propre père. Dire qu'elle avait versé des larmes de crocodile. Bien sûr, lui, on ne l'avait pas cru. Quand on est né dans le ruisseau, il faut y rester. Quoi qu'il en soit, pour Séraphin, Garcin, en ayant gardé le silence, était complice d'Hortense et coupable d'avoir trahi son amitié. C'est pourquoi il fallait qu'il paye. Rongé par sa vengeance et sa haine, Séraphin trouva un apaisement dans l'alcool et força sur l'absinthe au café Lédet. Un soir, fin sou, il fit quelques révélations au garçon de café qui, sur le moment, ne comprit rien à son baragouin. Depuis la mort de Garcin, Séraphin avait pressenti Hortense fragile, diminuée. En profitant de son état déprimé, on pouvait accroître son remords et la pousser vers sa fin. Il se mit donc à faire le pied de grue sous les fenêtres de son ennemi, à la harceler, attendant qu'Hortense finît par perdre l'esprit. Attendre, il en avait l'habitude. C'était devenu pour lui un véritable modus vivendi. Il savait bien qu'elle l'avait reconnu, mais qu'elle n'oserait rien faire. Elle ne sortait plus de chez elle, à quoi bon? Le remords, pensait-il, vous suit partout, de jour comme de nuit, les yeux grands ouverts ou fermés. Garcin et Hortense n'avaient pas de famille et par conséquent pas d'héritier. Pressentant sa fin, elle légua devant notaire une partie de sa fortune à l'ordre de Malte, une autre au Bourras, pénitent chargé d'enterrer les prisonniers, et un montant substantiel à la paroisse Saint-Jean. Les bonnes œuvres de la prison ne furent pas oubliées. Le reste était partagé entre ceux qui l'avaient servi et lui restaient fidèles jusqu'au bout, quitte à ravaler leurs soupçons. Hortense ne mangea plus, ne dormit plus. Chaque jour, elle regardait la mort en face, en la personne du trémulant Séraphin, et attendait patiemment le passage de la faucheuse. Elle quitta cette terre au bout de quelques mois, à la grande surprise du médecin qui ne comprit rien à cette langueur qui l'avait emportée. Elle est morte en bonne santé, plaisanta la cuisinière. Séraphin la suivit de peu, foudroyé par une crise cardiaque à la terrasse des deux garçons. On ne sut jamais la vérité sur cette affaire. Quelques années plus tard, on ne put que formuler des hypothèses, basées sur les témoignages au procès d'Hortense et de Garcin, les dires de Séraphin, les confidences du majordome César et du garçon de café. Dès le départ de l'affaire, il y avait eu deux versions, toutes deux plausibles. Hortense avait-elle réellement vu Séraphin étrangler ou étouffer son père, ou bien l'avait-elle inventé pour mettre Garcin à l'abri d'une accusation? Chacun reconstitua donc l'histoire à sa manière, avec sa sensibilité politique. Le clan des nantis contre celui des pauvres. D'ailleurs, les journaux de l'époque furent catégoriques, chacun dans son interprétation des faits. De fait, la seule personne à avoir peut-être côtoyé la vérité fut le curé Étienne, mais bien évidemment, il l'emporta dans la tombe. Aujourd'hui, on peut toutefois remarquer qu'à aucun moment les gendarmes, le juge, le président du tribunal, même les protagonistes, n'imaginèrent que Meffre avait pu mourir de sa belle mort. Ceci aurait changé considérablement l'interprétation de l'affaire, mais cette troisième hypothèse ne fut même pas effleurée. On s'accrocha solidement à la certitude que Meffre avait été assassiné, soit par Séraphin, soit par Hortense. Le cours des choses prend quelquefois un chemin tortueux, que certains appellent le destin. De toute façon, les gens préféreront toujours un mystère, même totalement irrationnel, à la plate et morne réalité. Quoi qu'il en soit, un lourd et double secret avait uni ce couple peu ordinaire. Un secret vis-à-vis de la société, mais aussi vis-à-vis l'un de l'autre. Ils avaient donc vécu côte à côte pendant des années sans jamais vraiment connaître la vérité de l'autre. Hortense se demandait ce qu'avait réellement convenu son mari et Séraphin. Garcin doutait de ce qu'avait vraiment vu et fait son épouse. Ils étaient toutefois unis par un même mensonge, celui de ne pas avoir avoué que Séraphin n'était pas venu à la Boucharrière de sa propre initiative. Tremper dans un crime sans être poursuivi paraît facile, mais tout le monde n'est pas capable de supporter les fantômes qui ne manquent jamais de tourmenter les assassins, même longtemps après. Lorsque cette histoire fut connue, interprétée au gré de chacun, elle ne surprit guère les voisins de la Boucharrière. On disait « Pensez, pas étonnant que cet endroit ait donné des idées ». Aujourd'hui, lorsque dans la contrée une personne affiche une réussite insolente, on dit toujours « Celle-là, elle a certainement tué quelqu'un pour y arriver aussi bien ». Fin de la Boucharrière.